vie, tu ne sais toujours pas que mon cœur est à toi. On a de l'or entre les mains, si spécial, on ne devrait pas se faire de mal. C'est dommage, non je ne peux pas, je ne veux pas. D'avancer jusqu'au bout. Il y aura toujours quelqu'un pour nous tirer dans les genoux. Hey. Mais je sais qu'à nous deux, on est plus fort que tout. C'est doux. J'avoue. Tu ne sais toujours pas que mon cœur est à toi. On a de l'or entre les mains, si spécial, qu'on ne devrait pas faire de mal. C'est dommage, non je ne peux pas, je ne peux pas. Aimons-nous jusqu'à la fin.